mer est plate, les jours sont ronds. Toi tu t'éclates, whisky glaçant. Tu ne taris plus, déloge sur toi. Moi je suis nu, tu ne me vois pas. Sombre obsession, cette passion. Ça doit être dur d'être si con. Mais qu'est-ce qu'on rit, votre cabrandi, aux infortunes de tes actions. Malheureuse verge, en érection, tu frappes à perte, te trompes de porte. Âme corrompue, aux idées mortes. Faux bon principe, l'anus est roi. Moi je ne mange pas de ces trucs-là. À la belle expression de ta brillante éducation. La sodomie, contraception. Voilà tout ce que...